Hey, Mandela, Vendetta, ghettonateur, from Marseille pour Toulon, maestro, missionnaire, liaison meurtrière. Mon esprit crie au viol quand j'écrivais au clair de lune. C'est en plein soleil que j'ai braqué Pierrot pour avoir ma plume. Les MC veulent peser plus lourd mais je m'en balance sur ma balance. Il y est écrit la plume contre l'enclume. Prends ma rime comme un hameçon auquel tu mords. Depuis le rap carnivore, elle pèse plus lourd que du bitume. Qui a dit qu'il y a que le flow qui prime? Moi je te résume, c'est sulfurique, mon rap acide, mon rap agrume. Tu rigolais quand je marchais seul dans la brume. Quand ta salive fait de l'écume, je laisse à Dieu salama avec visite. On a un hargne, le fusil, on a l'arc qui bousille. Nique sa mère, l'euthanasie. Sur mon catam, on résiste. Faut du fric, c'est le bis, hooligan incisif. On a un rap qui dégrade, un rap de pyromane, ça trafique. Y'a des bons, y'a des ânes, y'a du shit, y'a des armes. On de fourgue la zik, concorde de fourgue la cam. Vas-y, goûte à la marchandise. Et on est là et on reste, c'est qui sont les bestes. On retourne jamais nos vestes, on fait ça pour la famille. Au nord, au sud et à l'est, tous les MC paniquent. Certains voudraient nous tester et d'autres se prennent pour Tony. Mais on est là et on reste, c'est qui sont les bestes. On retourne jamais nos vestes, on fait ça pour la famille. Au nord, au sud et à l'est, tous les MC paniquent. Certains voudraient nous tester, mais cool comme le Titanic. Parfois j'écris sans thème, face parfumée à la chrysanthème. Dans ce merdier je m'en mêle, malgré l'âge je reste le même. Man, je viens dans la presse, n'arrange pas les choses. Là où ils parlent d'insécurité, là où c'est ça. Avec ceux qui l'a créé, est corrompu dans de sales affaires. Tandis que certains purgent du ferme pour du shit ou de l'herbe. Après 16 on se parlait de réinsertion, de minima sociaux, ils nous prennent pour des cons. Arrêtons de se plaindre, merde. Je ne fais pas tant le trafic d'organes, mais je viens me saisir de la one. Et si c'est moi, c'est toi le dragon. Pas là pour le charme et pour la gun. Quoi qu'il arrive, je resterai le même. UVSS, la liaison, la bombe, on vous ramène. De cette jungle, je vais sortir indemne. Je ne cherche pas à jouer au modèle. Quoi qu'il arrive, je resterai le même. Je parlerai toujours des gens que j'aime. Sous la capuche, toujours modeste. Ma sincérité en atteste. Et on est là et on reste, c'est qui sont les bestes. On retourne jamais nos vestes, on fait ça pour la famille. Au nord, au sud et à l'est, tous les MC paniquent. Certains voudraient nous tester et d'autres se prennent pour Tony. Mais on est là et on reste, c'est qui sont les bestes. On retourne jamais nos vestes, on fait ça pour la famille. Au nord, au sud et à l'est, tous les MC paniquent. Certains voudraient nous tester, mais cool comme le Titanic. Je viens de là où ça remplace la parole pour utiliser le chant. Texte et vécu triste, récit tranchant. C'est la zone crade qui te cause, pose sur ses spies. Toujours les mêmes qu'on cible, toujours les mêmes qu'on pisse. Combien de temps encore pour qu'on soit quitte? La merde j'endure depuis tout kit. J'rappe moi et mon équipe, on fait ce qu'il y a à faire. Sachant qu'il faut qu'on se quitte dans la norme. J'cause de façon à faire changer l'ordre. Monstra, c'est le chant des ruelles, c'est la rime cruelle. Folk Patrick Bruel. Moi j'ai grandi avec Scarface, pas avec Fernandel. Sans te fait les fesses, en dîner aux chandelles. Foutre le bordel, c'est mon délire. Et mec, avoue que Monstra ça déchire. Les couilles c'est comme la bite, faut savoir s'en servir. Vire la rue c'est sévère pour elle son ciel. Et on est là et on reste, c'est qui sont les bestes. On retourne jamais nos vestes, on fait ça pour la famille. Au nord, au sud et à l'est, tous les MC paniquent. Certains voudraient nous tester et d'autres se prennent pour Tony. Mais on est là et on reste, c'est qui sont les bestes. On retourne jamais nos vestes, on fait ça pour la famille. Au nord, au sud et à l'est, tous les MC paniquent. Certains voudraient nous tester, mais cool comme le Titanic. Mon rap reflète l'image de ma ville. Moi je connais chacune de ces rues. Augustin, Domas, Félix, Pierre, tous les étoiles. Les immeubles insalubres. Des familles vivent sous mes toits. C'est pour les jeunes qui vendent le shit pour la mama. Ceux qui savent bien mentir comme Tony Montana. Et pour leurs sœurs qui endossent toute la misère de la rue. Mon rap vaut l'or, donc je peux pas le donner. Je suis au-dessus de tes moyens frère, je suis désolé.